Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Mathieu Plancho. Ton segment Geek CNX, les salissures sur votre cellulaire pourraient être les indices pour la police. Quand j'entends salissures sur un cellulaire, je pense à deux choses et ces deux choses-là me lèvent le cœur. Dans Merci Science, le syndrome des cheveux incoiffables est une maladie génétique rare. J'ai toujours dit que j'avais pas une bad hair day, mais plutôt une bad hair life. Et dans Terre Visible, le président du CRTC souhaite plus de risques au petit écran. Mathieu Plancho tout de suite. Et voici celui qui prend des risques en animant son émission en direct, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 28 novembre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Dans quelques instants, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard qui nous parle aujourd'hui de jeux, de manipulation de gens et de villes, les jeux rétro style années 90. Avant de commencer l'émission, ben non seulement on a entendu une pièce qui était blip par Kazi, mais aussi, j'ai des aventures, des péripéties à vous raconter quand même. Pour vrai, j'ai 2 minutes avant l'émission, je suis encore en train d'écrire l'intro. Peut-être une demi-heure du début de l'émission, je suis encore en train de faire ça. Et là, je réussis à finir tout ça. J'appuie sur mettre à jour le site plan que fait que je refasse tout. C'est ça du live quand j'ai les risques du métier. Je veux avoir les dernières nouvelles de Television, fait que je prends mon petit 5-10 minutes pour faire ça. Et Colin, que les péripéties sont fun ici. Bref, dans quelques instants, comme j'ai Samuel Girard, mais avant ça, une pièce de chiptune par Cliphead. Voici l'extrait IHC, tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est fou, tout à fait en direct. Le mercredi. yes, IHC par Cliphead. Mathieu Plante Show. Si vous voulez en savoir plus sur les péripéties que j'ai racontées tantôt en plus de détails, c'est demain matin, jeudi, à Assemblage requis. Maintenant, c'est la chronique d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. Hey, ça va? Ben, ça va très bien, toi aussi? Ben oui, toujours aux deux semaines pour ta chronique d'un gamer à un autre. Oui. Hey. Et là, t'es dans le néant total sur ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Absolument, tu m'en parles à l'avance et tu m'excites avec la Nintendo Switch ou les événements auxquels t'as participé, mais là, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me demandais de quoi parler et là, je suis un peu entre deux événements. Donc, j'ai dit non, finalement, on va garder l'événement pour l'autre. Donc, dernière minute, j'ai changé mes affaires puis j'ai été avec un blog. Je me dis peut-être que ça va tomber un peu dans la nostalgie. Ah, de certains. Rétro. Ouais, c'est semi-rétro. OK. Donc, c'est des vieux jeux, mais en même temps, on les classe pas dans le style rétro. OK. OK. Est-ce que tu as déjà fait ça, Mathieu, des jeux de simulation? De simulation comme les Sims, vol d'avion. Ça rentre là-dedans. Ouais, est-ce que peu, je jouais aux Sims en tant que tel. OK, t'as joué aux Sims? Ouais. T'en as-tu fait d'autres? Je crois avoir essayé peut-être un Roller Coaster Tycoon à un moment donné. Excellent. Mais c'est pas mal tout, je pense. OK. Donc moi, qu'est-ce qui a inspiré ma chronique, c'est que dernièrement, j'ai vu un de mes amis ressortir Roller Coaster Tycoon. Ah, ben, quand je suis tombé directement sur le jeu. Exactement. donc c'est ça. Écoute, tu bâtis ton parc d'attractions. Ouais. En gros, c'est ça. Et tu dois gérer le prix d'entrée, tu dois gérer le prix des manèges, tu dois avoir tes clients satisfaits. Nettoyer vos mis. Oui, aussi. Ça, c'est un classique. Oui. Donc, d'engager les concierges pour faire ce travail ardu-là. Donc, faut qu'il y ait des places pour manger, faut qu'il y ait des bains. Après ça, faut que tu gères tes files d'attente. Est-ce que tu choisis le prix des produits que tu vends et tout oui. ça? Okay. Oui, tu peux, comme c'est ça. Moi, je me suis mis à faire ça quand j'avais 13-14 ans. Mm-hmm. Quand il arrivait pour pleuvoir, quand il y a une averse qui arrivait, je grimpais le prix des parapluies de 2,50 à 10$. C'est bon, ça. Et j'en vendais pareil. Ah oui? Est-ce que tu peux faire des petits jeux genre d'habileté, là, comme dans les foires d'habitude? Genre avec les balles dans des non, ça je crois pas. Non, c'est surtout les remarques. Non, peut-être les plus récents, ils ont mis des affaires comme ça. J'ai déjà vu des versions aussi où tu pouvais toi jouer dans les manèges, donc faire le manège en vue première personne ou participer aux petits jeux comme ça, mais pas ceux que j'ai joué. Okay. Donc ils ont vraiment amené ça à un autre niveau. Donc je trouve ça bien. Donc Roller Coaster Tycoon, ça c'est vraiment nostalgique. À chaque fois que tu réussissais quelque chose, ben l'avantage c'est que tu pouvais débloquer une nouvelle map. Mm-hmm. Donc là, t'avais un autre endroit avec d'autres conditions. À un moment donné, tu peux être dans le désert, tu peux être dans la montagne, tu peux être autour d'un lac. donc c'est ça. Donc mon ami justement que je regardais, lui, il a décidé qu'il se faisait le Roller Coaster of Love du lac. Puis toutes ces manèges, je leur avais donné des couleurs rose, rouge, beige. Des affaires de même, là, c'était kitten au bout. Est-ce que tu vas des fois dans des affaires un petit peu plus, mettons, genre dans l'espace ou dans l'eau? Non, c'est plutôt réaliste. C'est très réaliste, okay. Oui. Mais encore là, j'ai pas joué à des plus récents. Donc là, est-ce qu'ils ont amené d'autres choses après pour personnaliser? Mais c'est ça. Est-ce qu'ils ont voulu mettre un peu de fantaisie? Dire, tu peux faire ton parc d'attractions dans l'espace ou tu peux faire un parc d'attractions sous-marin. Ouais. Ils ont peut-être été faire des affaires de même. Il faudrait que je vérifie ça. Ça m'intrigue. Sur un ranch. Parce que moi, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai vu du monde jouer au 3. Mais à quel... c'était sur PC, j'imagine? Oui, c'était sur PC. Okay. Donc c'est ça. Moi, c'était beaucoup Roller Coaster Tycoon 2. OK. Donc, Roller Coaster Tycoon 2, juste l'année qu'on sort ça un petit peu, ça m'intrigue. C'était... Je vais le... Ah, tu sais, on est là et on vérifie sur Internet comme toujours. Ben, c'est ça. Que, je me demande si c'est sorti sur des consoles aussi. C'est en 2002. Enfin, je me rappelle, les Sims avaient sorti sur console, c'était vraiment pas pareil, tu peux pas faire autant de choses, t'sais. C'est ça, mais c'est une belle offre, pareil, de le mettre aussi sur console, je te dirais. Ouais, pourquoi donc, pas. Les Sims. Donc, tiens, justement, on va parler des Sims. Hey, les Sims! Ben oui. Donc, toi, t'as joué auquel? Au premier, j'imagine? Oui, au premier, en effet. Je pense au deuxième. Puis, pas mal d'extensions aussi. Je me rappelle avoir utilisé plusieurs extensions. Je me rappelle, à l'époque, les jeux étaient vraiment beaucoup plus faciles à craquer. Effectivement. Parce que j'ai jamais été un assez grand fan pour me procurer ces jeux-là moi-même, mais pendant quelques périodes, je téléchargeais genre le bundle avec toutes les extensions dedans pour avoir la totale de ça. T'sais. C'était le fun. C'est ça. Donc, t'avais les Sims de base. Donc, ouais. tu te bâtis ta maison, ouais. tu te fais ta famille. C'est mon bout préféré, je pense, construire la maison. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te trouves un emploi, puis après ça, ben, faut que tu améliores ton cercle social. Il faut que tu développes des habiletés dans un domaine pour avoir un meilleur emploi, pour avoir des augmentations. Mm-hmm. Quand tu as ta paye, ben, là, ça te permet de payer tes affaires. Faut que tu penses à l'épicerie, faut que tu penses à faire ton ménage, puis toutes sortes d'affaires de même. Ouais. Tu vois, moi, ces bouts-là, c'est là que tu me perds un petit peu plus. On dirait que quand je jouais à ces jeux-là, à commencer à passer à la vie sociale, comme tu viens de dire, les jobs, tout ça, donc ça m'intéressait moins. Je suis plus porté sur l'aspect genre Lego quasiment des Sims. C'est ça. Oui, il y en a beaucoup, c'est ça. Moi, j'ai jamais poussé bien loin. J'ai peut-être fait une partie comme ça. Mmh. Mon réflexe était beaucoup plus d'utiliser le fameux code Rosebud qui te donne 10 000 $. Ok, je pensais pour genre voir les gens tenus dans la douche. Non, il y avait ça aussi. Oui, il y avait ça, mais ouais. Non, j'étais pas si freak que ça à l'époque. donc c'est ça. Et justement, en ayant plus d'argent, ben, je peux plus me concentrer justement sur l'aspect Lego. Ouais. Donc, pas légal. Pas légal, là, c'est curiel, ça. Ouais. Donc, l'aspect construction. Mmh. Puis là, je me faisais des maisons, des aménagements. Puis là, j'étais d'optimiser la luminosité. Parce que le Sims pouvait critiquer ta disposition mm-hmm. des meubles, de la luminosité dans la pièce. C'est ça. Donc, fallait que tu penses à tout. Ouais. Puis là, quand il se promenait, mais tu voyais la barre de comment il trouvait son humeur, style, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, tu pouvais un peu évaluer ça. Puis là, quand c'était pas à ton goût, ben, tu changeais ça. Mm-hmm. T'avais aussi, c'est quoi, l'envie d'aller aux toilettes? Oui. Côté, il me semble. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans? La fatigue pour aller dormir. La faim. Fallait que tu manges. Il y a un moment donné, il fait sentir seul. Donc, ouais. Son moral, fallait que tu joues beaucoup avec ça. Et ça, c'est devenu beaucoup plus simple quand ils ont sorti l'expansion Hot Dating. Ouais. Mm-hmm. Donc là, tu peux aller en ville, voir du monde jaser. Donc là, ça, c'était bien. T'avais juste appelé un taxi. Ouais. Puis tu s'en allais dans. Il y avait comme bâti une ville. Puis dans la ville, même, tu pouvais te bâtir des magasins. Ah, OK. Donc ça aussi, c'était. C'est ça, je trouvais ça bien, ce côté-là. Il y a eu quoi? Il y a eu l'expansion avec les magiciens. Ouais. Il y a eu l'expansion avec les animaux. Les animaux pets, je me rappelle avoir joué à ça. Donc ça, c'était bien aussi. Holiday. Vacances, oui. À un moment donné. Exactement. Ouais. Il y a eu ça aussi. Donc, on fait beaucoup. Mm-hmm. Puis ça, c'était bien. Ça rajoutait plein de choses au jeu. Fait que là, t'avais ton coffret avec 8-10 ben. Pour l'installer. Là. C'était le truc. Il y avait pas mal de place dessus. Oui, ouais. Oui, exactement. Pas le choix. Et puis là, un moment donné, il est sorti les Sims 2. Ouais. Que j'ai joué un petit peu, mais pas longtemps. On dirait que mon trip était passé. C'est pour ça, les ouais. Sims, ça revenait un peu au même. Les Sims, c'est ce que j'aime. C'est que ça t'apprend à gérer ta vie. Mm-hmm. Et ça peut paraître drôle comme ça, mais on avait sorti un exemple un moment donné d'une. Je pense une dame qui a eu un accident et qui a perdu beaucoup de ses. Ses capacités d'interagir dans la vie de tous les jours. Ouais. Et les Sims, ils ont permis de réapprendre la vie. C'est bon, donc, ça. Faire un budget, quand sortir, quand dormir, quand aller à la salle de bain, quand manger. Mm-hmm. Cette personne-là, à travers ce jeu-là, a réappris les bases de la vie. C'est beau. Donc, tu sais, quand on dit des fois, c'est juste un jeu addictif, puis. Mais aussi. Non, il y a du. Oui, oui, mais il y a du positif qui va leur sortir de ça. Mm. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des Sims. Donc, mais tu n'utilises pas ce jeu-là pour apprendre à parler parce qu'il parlait de Simlish. Oui. Il y a même des chansons qui ont été enregistrées en Simlish par des artistes à un moment donné. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pas que tu t'en fais jouer en finissant ma chronique. Bon, c'est pas, c'est peut-être par hasard, peut-être. C'est ça. Donc, j'aime vraiment les Sims pour ça. Et sinon, on a toutes fait les niaiseries de celui qui fait brûler son Sims le plus loin possible, celui qui regarde de noyer le plus possible de Sims. Ouais, le plus dans le four. C'est ça. Combien de Sims t'es capable d'enfermer dans une pièce qui sont pris là? On a fait toutes sortes d'affaires de même. J'avais essayé ça un moment donné, je voulais comme aménagement faire un cimetière dans la cour arrière. Donc, j'avais pris le plus grand terrain. J'avais fait une maison, puis la cour arrière, j'avais aménagé un cimetière. Mais pour être capable de faire un cimetière, ça prend des pierres tombales. Mmh. Pour faire les pierres tombales, qu'est-ce que tu dois faire, c'est avoir des Sims qui habitent le terrain qui décèdent. Puis là, quand toute la famille est décédée, mais le terrain redevient disponible, mais les tombes restent sur le terrain. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais créé des familles de 8, je les avais envoyées dans la piscine et j'avais retiré les échelles. Oh. Ah, t'es pas fin! Mais tu sais que ça annonce peut-être un psychopathe, hein? Ceux qui tuent les animaux de compagnie et ceux qui tuent des Sims. C'est ça. En tout cas. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est que je voulais tester, voir un petit peu l'aménagement cimetière. Donc, j'avais fait ça. Puis, enfin, je voulais ramasser à peu près avec une trentaine de pierres tombales. Mmh. OK? Et j'avais aménagé ça avec les arbres, les arbustes, les clôtures un peu grises, vieillots. Puis, j'avais tout positionné, les pierres tombales, que ça fasse beau. Donc c'est ça, et je me suis dit, tiens, ça va faire. Fait que là, je vais avoir la maison, je vais avoir une cour arrière, puis derrière ça, je vais avoir un cimetière. Ça, c'est métal. OK? Ben, je voulais essayer ça. J'ai vraiment l'air d'un psychopathe. Ça fait dark. Ça fait vraiment. J'anime, Équanime participe à Matière Noire, mardi soir. Ah, c'est fou, 80 fois. On veut jouer des chansons qui parlent de la mort. C'est ça. Donc c'est ça. Et finalement, ça a pas tant marché, mon plan. Parce que le jeu est programmé que quand que le Sims a pas d'action de programmer, l'action par défaut, c'est d'aller rendre hommage aux victimes. Donc, aussitôt que je touchais à rien, il s'en allait marcher, il s'en allait pleurer devant chaque tombe. Donc, j'étais obligé d'avoir tout le temps, fallait tout le temps que je leur mette des actions pour pas qu'ils partent. Ouais. Fait que là, c'était rendu qu'ils prenaient du retard dans tout. Ouais. C'était plus long à aller dormir, c'était plus long manger, c'était plus long à aller se laver, parce qu'à chaque fois que je faisais d'autres choses pendant 30 secondes, ils partaient en arrière dans la cour, ils s'en allaient pleurer. Fait que finalement, j'étais obligé d'arrêter ça. C'était injouable. Ouais, mais ça ramène quasiment à la vraie vie où t'as de la difficulté à vivre quand t'as un deuil au début, tu sais, peut-être. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'était tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis c'était du monde qui connaissait pas. Ouais. Mais drôle dommage. Drôle de deuil. Okay. Donc c'est ça, c'est des petits faits cocasses sur les Sims. Donc là, qu'est-ce que j'espère en faisant ça, c'est que je rappelle plein de souvenirs aux gens qui ont eu à jouer, à passer l'époque où c'était à la mode, ces jeux-là. Et Sims étant basé évidemment sur le principe des Sims City, est-ce que tu as joué un petit peu à Sims City? C'était le prochain que j'aimais. Bon, tu vois. J'aime ça quand tu crées des enfants. Oui. Puis ça, c'est en se disant rien. Donc, les Sims, depuis début 2000, je vais juste finir en disant à quoi ça me sert de charger une page si quand que je la rouvre, il m'amène ailleurs. Ouais, c'est ça. Oh boy. C'est tellement bien fait. Android. Ouais, c'est... Oh, c'est t'es pas correct. Facile. T'es pas correct. Donc, est-ce que t'es capable de me... Non. C'est... Non, ils viennent bon. De... Je m'étais toute sorti la liste. Ça t'apprendra à travailler à l'avance. Ouais, c'est ça. Je me sors la liste, puis quand j'arrive pour ouvrir la liste, il m'amène sur une autre page. Improvis. Puis là, je suis plus capable de. Ouais, c'est ça. Je suis plus capable de me sortir. Donc, les Sims depuis début 2000, donc il y a eu un paquet d'expansions. Donc ça, c'est sûr. Les Sims 2 qui ont duré de 2004, les Sims 2. Puis là, j'ai les expansions jusqu'en 2007. C'est ça. Là, c'est déjà pas mal fini là-bas. En 2008 là. Même, j'ai encore des expansions ici. Puis on a eu les Sims 3 en 2009. Évidemment, les Sims 3 avec les jeux plus récents, ils allaient mettre plus de choses à l'intérieur. Puis on a eu les Sims sur DS. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, 2010, on est encore sur les Sims 3. Et 2011, encore les Sims 3. Et finalement, on devrait avoir les Sims 3 encore en 2012, d'autres expansions. Donc ça, le... On les voit encore en magasin, je pense, ces expansions-là. Oui, vraiment pas cher. Dans les petits présentoirs donc, à c'est ça. Donc, Supernatural, donc les saisons, Université, Île de Rêve. Donc ça, c'est toutes les Sims 3. Et finalement, en 2014, les Sims 4. OK. Donc après ça, on a Destination Vacances, on a Détente, Get Together. Donc ça, c'est un spécial sur Beatles. OK. Non. J'étais vraiment... Hey! Voyons donc, naïf de même, t'es. On est au restaurant. Ouais. Donc ça, donc ça continue. C'est tout la même chose. Ici, c'est avec des meilleurs graphiques, plus de fonctions, meilleure intelligence du jeu. Ouais. Donc c'est toujours ça un peu le principe. Maintenant, tu me parlais de SimCity. Hein? Donc c'est le prochain vers lequel on s'en va. Les SimCity, j'ai jamais été bon à ce jeu-là. Non, c'est difficile. C'est tellement difficile de démarrer une ville. C'est comme Dieu, genre, tu peux tout faire. Oui. Des grosses bâtisses, puis... Là, faut que tu gères les canalisations, l'électricité, quel quartier que tu mets résidentiel, quel quartier commercial, quel quartier que tu mets industriel. Puis là, si ton quartier industriel est moindrement trop loin de où tes gens habitent, là, ça marche pas, tu réussis pas à engager du monde. Puis là, surtout que t'as des artères qui est plus ou moins bien placé, ben les gens viennent pas dans ta ville. Mm-hmm. Finalement, t'essaies de faire de quoi, tu t'endettes. Finalement, ça marche pas, les gens viennent pas, fait que tu récoltes pas le taxe, tu restes endetté, puis au bout de X années, mais faut que tu laisses les clés de ville à quelqu'un, puis t'as perdu. C'est comme être maire, mais sans le salaire. C'est ça. Donc, c'est des affaires de même. J'ai toujours trouvé ça difficile. Encore une fois, je me suis aidé avec un peu le cas de l'argent. Tu sais, me donner un petit coussin de plus pour essayer de partir. Là, ça allait mieux. J'ai jamais réussi à faire de très bons concepts de ville. Mm-hmm. J'avais essayé de jouer avec mes amis à un moment donné. Sinon, c'était le 2000. Puis on avait un petit peu joué au 3000 aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, ça a commencé. Ça, c'est quand même commencé dans les années 80. Ah, le premier, oui. Okay. Donc, SimCity, c'est 89. SimCity 2093, il était disponible au SNES. Ah oui. Oui, ça devait être un petit peu bizarre, je vous surconsole. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. C'est ça. Et après ça, en 99, SimCity 3000. Ouais. Donc là, c'est plus. Donc, c'est SimCity 2000, SimCity 3000, version PC que j'ai surtout joué. Mm-hmm. Donc, avec des mes amis, on avait un fun fou. 2003, SimCity 4. Encore là, il y a beaucoup d'expansions. Il y a eu des expansions. Okay, quel genre d'expansion? Ben, c'est exemple Rush Hour, Deluxe. OK. Donc, c'est ça. Il y a SimCity DS. Oh. Donc là, on est rendu 2012. Donc, SimCity Social. Donc, SimCity Societies. Et puis, 2013, donc SimCity tout court. Et puis là, 2014, SimCity Build DLT. Donc, puis là, c'est sur Android. Android okay. Et iOS. Ah oui. Donc là, on est rendu avec des versions du jeu sur mobile. Intéressant, ça. Donc, c'est ça. Donc, ça aussi, ça continue encore. Ça a évolué. Les gens qui continuent d'aimer ça, c'est toujours un très bon défi. Moi, pour ma part, à un moment donné, on avait ça. Il y a des villes qui venaient avec le jeu. Puis, tu sais, il y avait des catastrophes naturelles dans le jeu. Des tremblements de terre, des tornades, des vents violents, des affaires de même. Mm-hmm. Des attaques d'ovnis. Il y avait même oui, mis ça à un moment donné. Ça, ils ont pas mis d'attaque terroriste au moins. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais on avait fait ça à un moment donné, moi et un de mes amis, on avait pris une des métropoles qui venait avec le jeu. Puis c'était impressionnant. Mm-hmm. Puis, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on cliquait en malade sur tornade, puis tremblement de terre non-stop. Pour regarder, ça prenait combien de temps avant que la ville devienne chaotique totalement. C'est ça, deux gars de 12 ans qu'on a de la misère à jouer au jeu, fait qu'on trouve notre fun autrement. Ouais. C'était ça de bâtir des bâtisses en téton ou en pipi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. T'es un drôle de designer, Mathieu. Ouais, c'est ça. À 12 ans, il me semble, ouais. Ah, c'est ça, c'est pas fait. C'est ça, puis donc SimCity très bien de ce côté-là. J'aimerais ça peut-être un moment donné y rejouer, voir à quel point que je serais meilleur. Les anciens ou les récents? J'irais plus vers les anciens. Ouais. J'irais vers le SimCity 3000. Mm-hmm. Tu sais, juste le milieu, là. Les récents, je te dirais qu'elles me tenteraient peut-être un petit peu moins, là, peut-être trop sophistiqué ou peut-être trop vers des consoles que j'ai pas le goût de jouer. Ouais, sûrement plus d'options, beaucoup plus d'options, parce que les gens qui jouaient avant, faut que tu leur en donnes de c'est plus. C'est ça. Quelqu'un qui continue, qui joue tout le temps au suivant, tu dois leur donner quelque chose de plus, mais en gardant la base de comment qu'il était habitué. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça aussi le principe des jeux de Pokémon. Mmh. Ouais, exact. donc, c'est ça. Ensuite, là, ça, c'est pas les principales, je te dirais. Il y a mon frère que joue beaucoup à Populus, où tu bâtis une civilisation pour aller faire des guerres. Mais tu sais, ces affaires-là, tu peux embarquer aussi même Age of Empire. Donc, tu pars de rien, ressources, tu bâtis. Un moment donné, tu vas coloniser. Mettons un autre royaume ou une autre troupe. Mm-hmm. Donc ça, c'est des affaires, tu sais, que c'est un peu basé sur le principe de construction, gestion des ressources, mais qu'avec ça, t'as de combiner plus une affaire aventure, guerre, ces choses-là, ce que t'aurais pas dans les Sims ou SimCity ou Roller Coaster Tycoon. Donc il y a des affaires un peu comme ça que je trouve bien. Un que j'ai joué beaucoup. OK, puis ça, je dois être un des seuls à avoir vraiment mis beaucoup de temps sur un jeu comme ça, mais Sims Golf. Sims Golf? Mais oui. Ça existe? Ça existe. C'est quoi ça? Sid Meier's Sims Golf. Donc, c'est très simple. Tout ce que tu commences sur un terrain complètement vert et t'as une boutique de pro et tu bâtis ton terrain de golf. Ah oui? Oui. T'as de l'argent pour un trou au début. Tu fais un petit trou simple. Les gens commencent à venir essayer ça. T'es charge au trou. Oui. T'es charge pas pour un 18 trous quand il y a juste un trou de construit. Donc, t'es charge pour un trou. Et là, ils viennent jouer. Puis là, ils essayent ça. Puis là, t'as du feedback. Est-ce qu'ils aiment ton trou? Est-ce que l'ambiance est bonne? Puis là, eux autres, ils vont payer au trou. Puis là, quand t'as assez, tu fais un deuxième trou. Puis tu bâtis comme ça. Trou par trou, on y prend goût. Hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Et au final, tu réussis à bâtir ton 18 trous. Et quand que t'as des états, comme exemple, quand t'as 6 trous, 9 trous, 12 trous, ben là, t'as assez pour qu'il y ait des gens qui viennent organiser des tournois. Ah ben. Et là, les tournois, c'est payant. Et toi-même, en tant que pro, tu peux participer, tu peux jouer sur ton terrain, tu peux améliorer tes skills. Puis là, les mécaniques de golf sont comme dans les vrais jeux vidéo de golf. Oui, ça marche. C'est ça. Fait que tu choisis quel type de coup, quel type d'effet, tu vises où tu veux, tu choisis ton bâton, tu frappes. Là, tu essaies d'éviter les obstacles, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de finir avec le meilleur pointage. Et puis, ça joue beaucoup sur le moral aussi. Donc, quand que tu réussis plusieurs coups de suite, ton golfeur a un bon moral, tu vas pouvoir essayer des coups plus risqués, il va pouvoir tirer plus loin et être plus précis. Ah, wow. Si tu vas souvent dans les obstacles, dans les affaires de même, ben là, le moral est moins bon, puis là, il va jouer plus rapide, il va jouer plus en impatient, tu vas rater plus tes coups. Il faut que tu gères aussi le moral de ton monde. T'as besoin de gens. Faut que t'engages des gens aussi pour entretenir le terrain. Faut que t'engages des vendeurs de liqueurs, des vendeurs d'autres sortes d'affaires de même, que tu mets autant de trous pour que les gens soient corrects. Tu mets des bancs pour que les gens puissent s'asseoir un petit peu. Faut que tu mettes des gens qui vont entretenir la pelouse parce qu'ils poussent du mauvais herbe. Ou quand les gens vont venir naître et qu'ils frappent à tête avec leur bâton, mais là ils créent des trous pour que quelqu'un vienne réparer. Est-ce que tu mets des écureuils puis des marmottes? Ça c'est de base dans le jeu. Ah oui, bon. Ouais, quand tu consommes, à un moment donné, tu vas dire « Ah, ben tu viens de passer ton terrain sur un environnement animal. Ouais. » Puis là, tu vas commencer à avoir, mettons, des chevreuils qui vont se promener le long du trou. Ou tu vas avoir une famille, des oiseaux qui vont venir sur le bord du trou. Puis ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux mettre Adam Sandler puis Bob Barker? Non, malheureusement. Non. Mais tu peux avoir des visiteurs de ton terrain qui vont ressembler pas mal à ces deux-là. Ah, tu vois. C'est ça. Il faut que tu mettes des marshals aussi, parce que quand il y en a qui pognent les nerfs et qui commencent à faire leur shoot boucan sur le terrain, en parlant dans un langage très compréhensif. Ouais. Donc, les Sims. Les Sims, mais oui. C'est le même principe. Okay. Donc, c'est ça. Donc, il faut que le gars puisse les dire tu sors, t'arrêtes de déranger tout le monde. Ah, parce que sinon, s'ils n'aiment pas ton terrain, ils vont aller faire un shoot boucan de ses autres trous. Okay. Pour aller déranger les autres. Maintenant, tu mets un green de pratique, tu mets un champ de pratique, tu mets un magasin de voiturettes. Ouais, les gens fassent ça en petite voiturette. Tu peux te laver balle. Oui, la des balle. Laveurs de balles, les gens aiment ça. On fait tellement de références là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Balls washer. Ouais, c'est ça. Can I wash my balls? Wait for me. Donc c'est ça, et je me suis amusé avec ça. Puis aussi, il y a un autre point très important. Si tu fais des dénivellations trop élevées, les gens vont se plaindre. Ah ben oui. C'est trop difficile à monter. Ben oui. C'est ça. Donc, il faut que tu fasses progressif. Si tu veux que ton terrain, mettons, ça monte, il faut que tu le fasses de manière progressive. Ouais. Si c'est trop d'un coup, les gens vont chialer. Fait que tu peux sur la dénivellation, tu peux mettre du gazon, tu peux mettre de l'herbe longue, de l'herbe encore plus longue, tu peux mettre du foin, des roches, du sable. Tu choisis ton green, tu mets les grandeurs que tu veux. Donc, c'est sûr que tu es limité avec des tuiles. OK, oui. Carrées. Peut-être le défaut du jeu, j'en ai trouvé un autre sur Xbox en téléchargement, que là, c'était défini par un paquet de points. Okay. Là, tu pouvais faire des formes complexes. Ouais. Là, c'était mieux, je trouvais, mais c'était plus long. Mm-hmm. Donc, j'ai trouvé un juste équilibre, mais pour ma part, j'ai toujours été fan de golf, donc ça m'a toujours intéressé le côté Sims Golf. Puis, il y en a plein comme ça. Ouais. OK, il y a plein de jeux comme ça. Là, je parle que de ceux-là parce que c'est eux autres qui me viennent en tête. Mais c'est infini. Ouais. C'est infini, les jeux de simulation. Puis là, je parle des bons. Peut-être qu'à un moment donné, j'amènerai dans l'émission le top des pires. les pires jeux de simulation. Là. Ça pourrait être drôle aussi. Là. J'aimerais ça. Ouais, un moment donné, dans une chronique future, ouais. Ça pourrait être de quoi que je pourrais amener. On pourrait quasiment intégrer Mario Maker dans les jeux de simulation de tableau de Mario, pour vrai. Oui, ben c'est le même principe. Non, je veux dire, Sims God, tu crées ton terrain puis tu peux y jouer avec ton personnage. Même chose. Donc, Mario Maker rentre là-dedans. Mm. Il y a de fortes demandes aussi pour que les gens aient ça pour plein de jeux. Oui, ben oui. Il y a des gens qui aimeraient ça faire le niveau Zelda, de Sonic. Il y a des gens qui aimeraient ça faire le niveau de Zelda. Mm-hmm. Donkey Kong, dans mon cas. Oui, Donkey Kong. Tu as vu qu'ils vont sortir sur 3DS, oui. Mario Maker? J'ai hâte de voir ça. Oui, ils en font un sur 3DS, oui. T'as raison. Mm. Ouais, j'ai hâte, moi aussi. Ouais. Bref. Oui, c'est Parenthèse. Ça. Donc ça, en terminant la chronique, je pourrais te dire que je me suis acheté le nouveau Pokémon. Oh. Sun and Moon. Oui, j'ai pris Sun. Ok. J'ai opté pour la version. T'as pas choisi les deux vu que t'es collectionneur, genre. Ben, à un moment donné, c'est le budget, là. Ouais, quand ils sont neufs, là, ils valent de quoi, là, mais éventuellement, oui, je vais compléter. Surtout que je pense qu'il me manque juste Hard Gold puis Moon pour avoir la collection complète de la série Pokémon. Mm-hmm. Hmm. C'est cool. Oui, c'est good. T'as aimé ça? Oui. Oui. Ils nous prennent un petit peu plus par la main. Ah bon. Mais faut pas oublier que l'auditoire cible. Les enfants. C'est les enfants. Ouais. Okay. Donc là, c'est parce que dans mon Facebook, j'ai à peu près une centaine de mes contacts qui se le sont achetés là, ou qui ont joué. Tous le même jour. pas mal. Puis c'est tout du monde en haut de 20 ans. Ouais. Donc je me dis qu'à quelque part, faut faire attention. Oui, ok, ça fait enfant, mais à quelque part, c'est parce que ça s'adresse à des enfants. Donc oui, il y a des tutoriels. Puis oui, on tient par la main un peu, mais c'est ça. Mais le jeu est très bon, il est différent. Je suis pas très avancé, je prends vraiment le temps de profiter du jeu. Puis je vais continuer d'y jouer, c'est sûr et certain. Good. Donc je vais terminer en disant ça, au moins un bon mot pour le nouveau jeu de Pokémon. Oui. C'est rare que je teste des jeux récents. Là, je l'ai fait, donc j'en parle. Hey, arrête de chialer. Ouais, c'est ça. Hey, c'est ça qu'on a des jeux récents. rien. Je faisais rien, j'avais dans le passé. Donc ça, j'espère que t'as aimé mon petit retour en arrière avec les jeux de simulation comme ça. Vraiment, c'était super plaisant. Donc c'est ça. Moi, ça m'a donné le goût un peu de ressortir des petits jeux comme ça. Je pense que je vais même le faire dans les prochaines semaines. Là, de m'amuser un petit peu. Peut-être un petit Sims Golf, là, refaire un terrain. Fais-toi un Twitch de ça. Là. Ah oui! Ah oui! Faut que tu venais voir ça? Ben oui, c'est sûr. En passant, Pokémon, c'était la folie furieuse. Hein. Ah oui? Oui, j'ai 50 personnes nouvelles qui m'ont suivi. Rien. Et j'avais des moyennes d'écoute entre 45 et 55. Pas pire. D'habitude, mais pour un streamer québécois, là, tenir au taux de 10-15, là, c'est solide. Mm-hmm. T'es dans les... Puis encore plus que moi, je jouais à des jeux obscurs. Oui, c'est ça. Oui, puis on était quand même au début de la folie quand même. Là. C'est pas au Québec que je parle de gens qui Twitch. Là, mais écoute, j'avais du monde. C'était une job de gestion. Là, parce que tout le monde parle, tout le monde te demande comment t'as trouvé le jeu, puis ça vaut-tu la peine que je l'achète, puis t'as pensé de quoi de telle affaire. Puis le monde jase. Là. Mm-hmm. Puis c'est quoi ton équipe, puis moi, j'ai parti avec lui. Puis là, t'essayes de suivre, mais t'as 50 quelques personnes là, qui sont là. Ils parlent pas toutes. Il y en a qui font juste regarder. Mais il y en a une bonne partie qui jase. Puis là, tu joues. Puis là, tu regardes du coin de l'œil le chat pour voir qui parle. Puis là, tu essaies de répondre au monde en même temps. C'est un bon défi. J'ai pogné de quoi. On suit, c'est Ace Gamer Sam. C'est sur ça. Twitch. En un mot. Génial. Et on t'écoute aussi à Génial Liberté les jeudis matin à 9h30. Fidèle au poste. Matière Noire les mardis à genre 9h. 21h. Chaque semaine, j'oublie. C'est pas grave. C'est bon. Je suis là pour ça. Sam, Gira. Oui. Dans deux semaines. Exact. Merci. Fidèle au poste. Yes. Merci Mathieu. C'est... Ne pas oublier de mettre une toune de Sinich ici. Suggestion subtile. Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. Avant la pause, c'était la musique d'une chanteuse pop quelconque avec une chanson en simlish en l'honneur des Sims dont on a discuté avec Samuel Girard dans la chronique d'un gamer à un autre. On le remercie encore. Et maintenant, quand le temps file, le temps avance et on a tellement de nouvelles parce que la semaine passée, c'était une rediffusion. On n'était pas en direct, donc on a accumulé deux semaines de nouvelles. Commençons par Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 14 derniers jours dans ce cas-ci. On commence au Québec avec Jean-Sébastien Girard qui va être le bras droit de Véronique Cloutier dans sa nouvelle émission. Oui. Donc Hugo Dumas de La Presse a récemment appris que Jean-Sébastien Girard, membre de La Soirée est encore jeune, a été choisi comme bras droit de Véro dans sa nouvelle émission. Votre beau programme. Selon ce que rapporte le journaliste, l'humoriste aura un rôle semblable à celui de Danny Turcotte dans Tout le monde en parle, c'est-à-dire qu'il interviendra dans les discussions et apportera un revers plus cinglant à l'émission de Véro. On espère qu'il saura davantage se démarquer que Martin Perizzolo dans le talk show de Marie-Pierre Morin, nous rappelle showbiz.net. Le mandat de Jean-Sébastien Girard se concrétisera au fil des rencontres avec l'équipe actuellement en active séance de remue-ménage à Radio-Canada. Le premier épisode de votre beau programme, oui, sera diffusé le mercredi 11 janvier à 21h. L'émission sera en direct chaque semaine. Toujours au Québec, c'est la fin de l'Instant Gagnant à V, la chaîne qui a mis fin au début du mois d'octobre à l'émission L'Instant Gagnant, info pub et jeux interactifs à son antenne depuis 2012, qui a suscité des centaines de plaintes des téléspectateurs. Comme l'a dit Maxime Rémillard, c'est du temps acheté. Je cite, on a réglé la situation, l'émission n'est plus en onde. On se demandait si l'émission allait revenir parce que ça a pris quelques petits congés à travers les années. Mais c'est ce que Maxime Rémillard, président et chef de la direction du groupe V-Média, lors des audiences du CRTC sur le renouvellement des licences télé, qui a dit ça. En réponse à une question du conseiller du CRTC, Yves Duprat, le groupe V-Média a indiqué que son contrat d'infopub avec la société hongroise Télémédia s'était terminé au début d'octobre. L'émission ne sera plus en onde, plus du tout. C'est bon, OK. J'avoue que c'était une crosse totale, mais quand même, ça a mis sur la carte plusieurs personnalités qu'on retrouve toujours dans les médias québécois. Donc, ce ne sera plus une école pour les futures animatrices et animateurs. Une version allemande pour la série Like Moi. La série à sketch s'exportera en Allemagne, où le tournage de nouvelles versions est en cours à Cologne. Les sketchs de Like Uns seront diffusés sur la nouvelle chaîne web des télédiffuseurs publics allemands ARD et ZDF. L'auteur et producteur associé Marc Brunet et la productrice Josée Fortier se sont tous les deux rendus en Allemagne afin de rencontrer les comédiens choisis pour cette nouvelle version et de s'assurer de la fidélité de l'adaptation. Parmi les sketchs de Like Uns ayant été tournés, on note l'adaptation de la parodie de télé-réalité Je choisis Jonathan, qui devient Ich-Nimmer Jonathan. Hein? La série Like Moi a été lancée en janvier 2016 à Télé-Québec et a remporté par la suite le Gémeaux de la meilleure série humoristique et l'Olivier de la série humoristique de l'année à la télé. Catherine Levac, Adi Valcaïdé, Marie-Soleil Dion, Guillaume Lambert, Florence Lompré, Karine Gontier-Heinemann et Philippe Audrey Larue-Saint-Jacques. C'est une seule personne tourne actuellement la deuxième saison qui sera diffusée à compter de janvier. Télé-Québec présentera une émission spéciale Bloopers en passant le 30 décembre. Toujours en adaptation, la série Le Clan a été vendue aux États-Unis. Belle vengeance pour la série Le Clan, après une première saison diffusée de manière erratique à la télé de Radio-Canada le samedi soir, puis ensuite à RTV. Le format de cette série signé Joanne Arsenault vient d'être acheté par ITV Studios, un diffuseur britannique qui a une filiale à Los Angeles. ITV Studios a confié le développement du pilote et éventuellement la série à Christina Wayne, une productrice d'expérience et bien cotée. Dans la feuille de route de Christina Wayne, on retrouve notamment le développement des séries Mad Men et Breaking Bad, à l'époque où elle était vice-présidente senior au contenu de la chaîne AMC. Après le succès de Mad Men et Breaking Bad, Christina Wayne a travaillé pour Endemol, puis pour la canadienne Cineflix, avant de fonder sa propre compagnie Assembly Entertainment, qui a eu le mandat de produire le pilote de la version américaine du Clan. Joanne Forgue, qui a produit Le Clan pour Radio-Canada, est particulièrement heureuse de ce dénouement, d'autant plus que c'est ITV Studios qui l'a contactée après avoir appris sur son site internet qu'elle s'apprêtait à entreprendre le tournage du Clan. C'est dire qu'avant même le premier tour de Manivelle, le diffuseur voulait acquérir les droits de la série. Selon la productrice, les gens de ITV Studios ont vite saisi que cette histoire de chevaux et de délation avait tous les éléments pour séduire un public américain. Il faut dire qu'il y a effectivement une saveur américaine au personnage de Yannick Moreau, marié à la fille du maire d'une petite municipalité, père de deux jeunes enfants et gestionnaire d'un centre équestre où il coule des jours paisibles sans que personne ne se doute de son passé criminel. Sa quiétude sera perturbée par la sortie de prison de membres de sa famille qu'il a dénoncé. C'est pas la première fois que la productrice signe une entente avec les Américains. En 2011, Joanne Forgue avait vendu les droits de la série Les Invincibles au réseau Fox. Le réseau avait confié au studio Sony le mandat de produire une version américaine en tranche de 30 minutes, mais le résultat n'était pas très bon. Apparemment, je cite, « En fait, ça n'avait rien à voir avec la série originale, tellement que j'ai préféré annuler le contrat. Sur le coup, chez Sony, ils étaient un peu étonnés, mais ils ont accepté. » Cette fois, Joanne Forgue se dit plus confiante. Et si tout va bien, un pilote du Clan pourrait être tourné dans le sud des États-Unis l'été prochain et faire en sorte que cette palpitante coproduction Acadie-Québec devienne une histoire typiquement américaine. Article qui nous provient de La Presse. Maintenant, Trente Vies s'incline à New York. Un article du Soleil. Le Brésil est trop fort, nous dit-on, comme depuis 2012, c'est encore une série de ce pays qui l'a emporté dans la catégorie Telenovela au International Emmy Awards à New York. Pas de chance pour 30 vies, mal logée aux côtés de séries à l'eau de rose. La version anglaise de 19-2 a aussi dû s'incliner devant une œuvre allemande à cette soirée où il fut beaucoup question de Donald Trump. Émile Procloutier, qui tenait la vedette de la saison de 30 vies en nomination, se réjouit de voir d'autres petites nations comme le Danemark réussir à percer. Co-producteur de la version anglaise de 19-2, Jocelyn Duchesne s'est dit déçu de la défaite, mais fier et surpris. Et pas surpris, pardon. La rumeur était bonne depuis quelques jours autour de Deutschland 83, l'œuvre sur un jeune Allemand de l'Est envoyé à l'Ouest comme espion que le jury a préféré à l'épisode de la tuerie, celui réalisé par Pods, présent dans la salle avec Louis Choquette, autre réalisateur de la série. Il y a plein d'autres prix qui ont été remis. Allez lire l'article au complet sur assemblagerequis.com. Une date maintenant pour Big Little Lies, la série de Jean-Marc Vallée aux États-Unis. Une des séries les plus attendues sur HBO en 2017. Big Little Lies, réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée, sera diffusée à partir du 19 février prochain aux États-Unis. Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley se partagent l'affiche de cette adaptation du roman de Leanne Moriarty, paru en août dernier au Québec sous le titre français de Petit secret, grand mensonge. Big Little Lies racontera comment les parents d'élèves d'une petite école primaire sont secoués par la mort de l'un d'entre eux pendant une fête scolaire. L'histoire s'attarde plus particulièrement sur trois mères à la vie parfaite en façade, Madine, Céleste et Jane. Pour cette nouvelle mini-série de 7 épisodes, HBO a constitué un casting digne d'un film hollywoodien. Donc Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, James Topper, Zoe Kravitz, Laura Dern et Adam Scott. Maintenant, Orange is the New Black qui va être présenté en français sur la chaîne Max, ainsi que la série Younger qui va être diffusée sur la chaîne du groupe V-Media à l'hiver. La nouvelle chaîne Max vient de pêcher un gros morceau. En effet, elle vient de se procurer la version française de Orange is the New Black, une populaire série de Netflix qui en est à sa 4e saison. On précise que 3 saisons supplémentaires ont déjà été confirmées. Il s'agit donc d'un projet de longue haleine dont Max peut se réjouir d'avoir dans son catalogue. Orange is the New Black suit les aventures d'un groupe de détenus purgeant leur peine dans une prison pour femmes. Le premier épisode sera diffusé le mercredi 4 janvier à 21h. Et la deuxième saison sera présentée au printemps. En plus de cette série, Max présentera également sur ses ondes dès janvier la série Younger. La comédie raconte l'histoire d'une mère de famille du New Jersey fraîchement célibataire qui décide de mentir sur son âge afin de se donner plus de chances de trouver du travail. Avec un peu de chance et de maquillage, elle réussit à paraître 20 ans plus jeune. Quoique l'actrice a l'air pas mal jeune elle aussi, mais elle devra faire face aux jeunes de la génération Y qui ont leur propre code et leurs habitudes particulières. C'est une série de TV Land aux États-Unis. La première saison va être diffusée dès le jeudi 12 janvier à 21h sur Max. Évidemment pour ceux qui regardent la télé en temps réel. Ce qui est de plus en plus rare. Ensuite, toujours en diffusion ailleurs, on parle de Nashville, la saison 5 qui va être diffusée au Canada sur la chaîne W Network. Donc le télédiffuseur au Canada a acheté la prochaine 5e saison de Nashville après que la série qui se déroule dans le monde de la musique country a été relancée aux États-Unis. W Network, une chaîne de Corus Entertainment, va diffuser les nouveaux épisodes à partir du 5 janvier au Canada. Le drame a été annulé, on rappelle, par le réseau américain ABC plus tôt cette année, mais CMT et Hulu ont été rapides pour reprendre l'émission pour une 5e saison. Créé par Kelly Curry, Nashville met en vedette Connie Britton, qu'on connaît pour Friday Night Lights, et Hayden Panettiere, qu'on connaît pour Heroes, dans les rôles de superstars de la country music, alors qu'on les suit dans leur vie personnelle et professionnelle. La série est produite par Lionsgate, ABC Studios et Opry Entertainment. W Network est une chaîne de destination de premier choix, selon eux-mêmes, pour le contenu que les femmes, et une pierre angulaire de cette offre sont pour le contenu que pour les femmes, j'imagine. Et une pierre angulaire de cette offre sont nos séries convaincantes scriptées, a déclaré le vice-président principal « Femmes et contenu, style de vie » chez Corus Entertainment. Quel titre bidon! Évidemment, la grosse nouvelle du moment, c'est sorti il y a quelques jours à peine, Radio-Canada qui veut revoir son financement et éliminer la publicité. CBC Radio-Canada propose d'abandonner la publicité en échange d'un financement accru de la part du gouvernement fédéral. Dans un mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique d'Ottawa sur l'avenir du contenu canadien dans le monde numérique, la Société d'État estime qu'elle pourrait éliminer la publicité sur toutes ses plateformes en échange d'une hausse de son budget annuel de 318 millions. Les revenus publicitaires rapportent actuellement 253 millions à la Société d'État. Pour justifier les 318 millions réclamés, CBC Radio-Canada souligne que le reste de la compensation servira à financer le contenu qui viendra remplacer le temps publicitaire éliminé. Il s'agirait d'une augmentation de la contribution de 12 $ par contribuable canadien pour la porter à 46 $ canadiens. CBC Radio-Canada fait valoir que le montant resterait bien inférieur au niveau de financement de diffuseurs publics tels que la BBC au Royaume-Uni qui reçoit 114 $ par personne tout en étant exempt de publicité. Le diffuseur britannique se classe 7e au monde au chapitre du financement gouvernemental contre le 16e rang pour CBC Radio-Canada. Dans son mémoire, la Société d'État calcule qu'un tel virage permettrait aux diffuseurs privés, dont plusieurs souhaitent la fin de la publicité chez les diffuseurs publics, d'engranger quelques 158 millions de dollars supplémentaires en revenus publicitaires. La semaine dernière, Maxime Bernier, candidat à la direction du Parti conservateur, a plaidé pour la fin de la publicité à CBC Radio-Canada, mais il a aussi proposé une réduction de son financement, arguant que la Société d'État devrait se tourner vers les dons des téléspectateurs et des organisations organisations, comme c'est le cas pour la télé publique PBS aux États-Unis et la chaîne privée à but non lucratif à la radio NPR. Kelly Leach, son adversaire dans la course à la direction du Parti conservateur, a quant à elle proposé carrément le démantèlement. Évidemment, c'est ce que les conservateurs font de CBC et Radio-Canada. Faites-vous votre propre opinion là-dessus, hein? Mais certains diraient que le contenu à Radio-Canada est très, très populiste et devrait être peut-être un petit peu plus cultivé, disons. Justement, Radio-Canada qui élargit sa couverture en informations autochtones. Un portail web pour donner la parole aux peuples autochtones et un programme de stage professionnel. Radio-Canada a lancé deux initiatives destinées à favoriser une couverture accrue de l'actualité et des enjeux autochtones. Le portail web Espace Autochtone est un lieu d'information et d'échange en français sur les réalités des différentes communautés autochtones. Depuis, les quatre premiers stagiaires du programme de stage professionnel pour autochtones mis en place par Radio-Canada en collaboration avec le Conseil en éducation des Premières Nations permettront de porter un regard plus juste et plus sensible sur les premiers peuples et de mieux comprendre leurs défis et leurs aspirations. Le portail web, aussi accessible en version mobile, vise à donner la parole aux Autochtones et à réunir tous les contenus autochtones produits par Radio-Canada. Ce portail offre une couverture complète de l'actualité autochtone, traitant des défis, des enjeux et des réalisations des communautés autochtones du Canada, aux États-Unis et même en Amérique latine. On y présentera aussi une web-émission hebdomadaire, des chroniques, des dossiers d'enquête. Le public pourra aussi y découvrir la collection d'archives dans l'espace mémoire et échanger avec le rédacteur en chef invité dans Place publique. Sous la direction du directeur en chef Soliman Melali, l'équipe comprend le chef de pupitre Guy Bois, les journalistes Anne-Marie Yvon, Caroline Nepton-Hott, Sophie-Hélène Leboeuf et les collaboratrices Mélissa Mollen, Mo Clark et Racel Laloya-Couy. Par ailleurs, quatre jeunes étudiants autochtones ont été choisis dans le cadre de la première édition du programme de stage professionnel pour autochtones. Ce programme consiste en un stage rémunéré d'un an comme journaliste reporter dans la salle de nouvelles d'une station régionale de Radio-Canada. Trois des stagiaires du programme 2016-17 ont débuté leur formation le mois dernier et le quatrième débutera en janvier. Ils seront appelés à produire des reportages à la radio, à la télé et sur le web, pouvant porter aussi bien sur l'actualité autochtone que sur l'actualité régionale, québécoise ou canadienne. Un article de actumedia.com. On en parlait en ouverture, le président du CRTC souhaite plus de risques au petit écran. À une semaine du renouvellement des licences des chaînes de télé au pays, on en parlera juste après, le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a dit qu'il aimerait que les conglomérats médiatiques prennent plus de risques, autant dans le choix des séries à l'écran qui pourraient s'exporter que dans leur modèle d'affaires. Je cite, « Les entrepreneurs doivent prendre des risques. La difficulté dans n'importe quelle industrie où on a des joueurs d'une certaine maturité et que la tendance lourde est de continuer à faire ce qu'on faisait avant. L'ancien modèle était adéquat, donc on va continuer. Surtout pour les sociétés à capitalisation ouverte, donc les sociétés où, qui sont inscrites en bourse. » Le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes s'est dit déçu et a eu un choc d'apprendre que ShowMe, le service de visionnement en ligne de Rogers et Shaw, avait fermé en septembre dernier après seulement 2 ans. On en parlera tout à l'heure. Au Québec, le président du CRTC note toutefois les succès de Tout.tv et de Club Illico, très présents dans le marché. Jean-Pierre Blais aimerait aussi des chaînes et des producteurs télé plus ambitieux à l'international. Dans son discours à Ottawa, le président du CRTC a critiqué les ambitions de clocher de certains producteurs canadiens qui doivent modifier leur approche afin de favoriser l'exploitation des séries télé et des films canadiens. On en parlera ça aussi tout à l'heure. La semaine prochaine, le CRTC tiendra des... c'est pas la semaine prochaine, c'est là où ça vient de passer. Le CRTC qui tenait des audiences sur le renouvellement des licences des chaînes télé francophones et les chaînes anglophones auront leur audience l'autre semaine suivante. En changeant les règles du contenu canadien en 2015, on misera maintenant sur les dépenses en contenu canadien plutôt que les heures de diffusion. Le CRTC espère avoir créé un environnement propice au développement de séries télé de plus grande envergure qui pourront mieux s'exporter. En 2015, le CRTC s'était doté d'une nouvelle politique misant sur un plancher de dépenses en contenu canadien plutôt qu'un nombre d'heures de diffusion. Les chaînes généralistes devront continuer à diffuser 50% de contenu canadien aux heures de grande écoute entre 18h et 23h, mais le quota pour l'ensemble de la journée, qui était auparavant 55%, a été aboli. Cette nouvelle politique sera appliquée pour la première fois cet automne lors du renouvellement des licences télé. Le CRTC a déjà indiqué aux chaînes de télé qu'il portera aussi une attention particulière à la diversité de leur programmation ainsi qu'à leur nouvelle locale. La diffusion de nouvelles locales est la première obligation du privilège d'opérer une chaîne de télé généraliste, même si c'est, entre guillemets, la partie la plus dispendieuse de ses activités. Voilà. Justement, le président du CRTC était plutôt sévère au sujet de la fermeture de ShowMe lors du congrès annuel de la section canadienne de l'Institut national international des télécommunications. Le président du CRTC a admis avoir été surpris d'apprendre en septembre dernier la fermeture de ShowMe, intitulé « Saisir la balle au bon ». Le discours de Jean-Pierre Blais s'est concentré longuement sur le pari risqué que représentent désormais les nouvelles technologies, tant pour les entreprises qui œuvrent dans le domaine des télécommunications que pour l'organisme responsable de réglementer cette industrie. Citant les célèbres paroles du journaliste américain Robert Killen, formulées en 1924, Blais a rappelé que le progrès implique toujours des risques. Vous ne pouvez voler le deuxième but en gardant votre pied sur le premier. Il a profité de l'occasion pour défendre le mandat du CRTC qu'il préside depuis 2012, en rappelant notamment les divers changements mis en œuvre par l'organisme au cours des dernières années, les quatre dernières années. Le président espère ainsi que, par ces diverses initiatives, les Canadiens nous font tous un peu plus confiance qu'il y a quatre ans, dit-il. En partageant sa pensée sur les changements avec lesquels doit composer le marché de la télédiffusion, Blais a affirmé avoir été sous le choc d'apprendre en septembre dernier la décision de Rogers et Shaw de mettre un terme au service de vidéo sur demande. Malgré que le bassin utilisateur de Xiaomi s'était rapproché de la barre des 900 000 abonnés, le directeur général de Xiaomi, David Ash, a admis que l'entreprise était plus difficile à exploiter que ce que les deux partenaires avaient anticipé. Concrètement, Xiaomi n'a tout simplement jamais été rentable, selon le Globe and Mail. Rogers a enregistré une perte liée à Xiaomi de 140 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que Shaw évalue que sa perte s'élèverait à 120 millions de dollars lors du dépôt de son prochain bilan trimestriel. Un montant qui s'ajoute à la dépréciation de 51 millions de dollars sur la valeur de Xiaomi annoncée par Shaw plus tôt cette année. De son côté, Bell a annoncé plus tôt ce mois-ci que Crave TV, son service ayant aussi pour objectif de rivaliser Netflix, avait franchi le cap du million d'abonnés. Il aurait probablement dû essayer de faire quelque chose pour fusionner. Mais bon, cette étape importante est toutefois toujours loin derrière le géant américain, dont le bassin d'utilisateurs au Canada est évalué à 5 millions d'abonnés selon la firme torontoise Solutions Research Group. Interrogé sur le sujet après son discours, Blais a rappelé à quel point il y a beaucoup d'échecs en affaires et que si chaque entreprise devait fermer au moment où il y a quelques pertes, on ne voudrait jamais démarrer une nouvelle entreprise au Canada. On fait l'article sur branchez-vous.com que le mandat de Jean-Pierre Blais au sein du CRTC se termine en juin 2017. On en parlait tout à l'heure, le CRTC renouvelle les licences de la plupart des fournisseurs de services de télévision pour une période de 1 an. Afin d'assurer que les Canadiens soient informés des options disponibles et qu'ils aient de véritables choix en matière de services de télévision, le CRTC présente les pratiques exemplaires à l'intention des fournisseurs de services de télé. Tout d'abord, dans le but de surveiller étroitement les pratiques des fournisseurs alors qu'ils mettront en œuvre les nouveaux choix de services de télévision, le CRTC renouvelle les licences de la plupart des fournisseurs pour une période d'un an plutôt que pour 7 ans comme à l'habitude. De plus, les fournisseurs sont entre autres tenus de fournir de l'information au sujet des nouvelles options qui seront disponibles à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle les fournisseurs de services de télé devront offrir les chaînes à la carte et dans de petits forfaits. Ce que j'adore, j'ai très hâte de voir ça. De présenter leurs offres de manière simple et transparente, d'offrir des rabais quel que soit le service de base choisi, d'offrir des outils en ligne qui permettent aux abonnés d'ajouter ou de retirer facilement des chaînes et de proposer diverses options pour obtenir un décodeur. Grâce à ces nouvelles options, le CRTC permet aux Canadiens de créer leur propre forfait de services de télé et les encourage à magasiner et à comparer les offres des fournisseurs disponibles dans le marché, notamment à l'aide de divers outils en ligne. On ne peut qu'encourager ce genre de choses-là. J'ai vraiment, vraiment hâte. C'est demain pour nous en direct, donc on parle de jeudi. 1er décembre pour tous ces changements en même temps. Le CRTC accroît la pression sur les fournisseurs de télé, de services télé justement par rapport au prix. Revenons, c'est un peu la suite de ce que je viens de mentionner. Donc, le CRTC qui veut garder une carte dans sa manche afin de superviser la mise en place des nouveaux forfaits de chaînes télévisées qui devront tous être en vigueur dès le 1er décembre. Depuis le 1er mars, les fournisseurs autorisés de services de télé doivent offrir un petit service de base qui ne coûte que moins de 25 $ par mois, en excluant le matériel comme la boîte qu'on appelle des fois décodeur, le récepteur. Ils doivent aussi offrir des canaux supplémentaires, soit à la carte, soit en petit bouquet de 10 canaux minimum, maximum chacun. À compter du 1er décembre, comme je l'ai dit, les fournisseurs devront pouvoir offrir des canaux supplémentaires, aussi bien à la carte qu'en petit bouquet. Le CRTC croit que ces nouvelles formules de distribution permettront aux Canadiens de créer leur propre bouquet. Est-ce qu'il y a d'autres détails plus importants que ça? Oui, les fournisseurs dont la licence expirait cette année comprennent notamment Vidéotron, Cogeco, Rogers, Telus et Shaw. Voilà, ça va aller pour ça. On va aller aux États-Unis quelques instants. HBO envisage une série prequel à Game of Thrones. Les meilleures choses ont une fin, ça vaut aussi évidemment pour Game of Thrones. La série culte s'arrêtera à la fin de la saison 8. Une information confirmée il y a quelques mois par HBO. Mais est-ce qu'il faudra dire adieu à Westeros? Probablement pas. La chaîne américaine envisagerait une série qui ferait suite, mais antérieure. Le directeur de la programmation de HBO, Casey Bloy, a déclaré que les discussions étaient actuellement en cours quant à la création d'une série préquelle, comme on l'appelle. Ça ne veut pas dire qu'une série préquelle verra effectivement jour, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ne veulent pas que les aventures se terminent. George R.R. Martin, de son côté, doit encore terminer sa série de romans. Il travaille actuellement activement sur son dernier livre, mais aucune date de sortie n'a été communiquée. Alors même si la série télé prequel ne voit pas le jour, il restera les livres. Et maintenant, pour terminer dans ce premier bloc, Dune, Legendary Entertainment prépare un projet de série et de film. Donc, Legendary Entertainment qui envisage de refaire le drame de science-fiction Dune après avoir ramassé les droits du remake du roman classique de Frank Herbert. Legendary, qui a été racheté par la société d'investissement chinoise Dalian Wanda Group, plus tôt cette année, a également acquis les droits du livre directement de la succession de Herbert. La société développera donc des projets télévisuels et cinématographiques à partir de la propriété intellectuelle qui seront donc produits par Thomas Tull, Mary Parent et Kel Boyter. Dune a été précédemment adapté au cinéma en 1984 par David Lynch avec Kyle MacLachlan, qui est devenu un film culte malgré son échec dans les salles de cinéma. DWG est devenue la première firme chinoise, à posséder un grand studio hollywoodien quand elle a acheté Legendary, qui est derrière les blockbusters récents tels que Jurassic World, Godzilla et Pacific Rim. L'histoire de Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'empereur Shaddam IV qui règne sur l'univers, se sentant menacé par le pouvoir mystérieux des Atréides, il l'extermine sur la planète Dune. Dune, ce peuple fier et valeureux, Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre. Voilà. C'est tout pour le premier bloc. Il en reste un deuxième complètement sur Internet dans le cas de Television, la deuxième partie. Après ça, on va sûrement avoir le temps de faire Merci Science, mais c'est pas mal tout. Pour l'instant, on écoute du chiptune parce que, Colin, je suis essoufflé de ce long bloc de nouvelles. On écoute Six Golden Coins Nano Loop Mono par Reba au Mathieu Plante Show tout de suite sur C'est Fou 89 FM. We'll be right back. Target Practice par Game Future Brian 3. Et avant la pause, on a entendu Golden Six Golden Coins par Reba au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est la suite de Television Television. On a tellement de nouvelles de télévision cette semaine qu'on en fait une deuxième portion. Oui, Netflix, en passant de ce bloc-là, est complètement destiné à Internet. Donc Netflix qui lance un mode hors ligne pour télécharger les films et les séries. La nouvelle est sortie sur l'heure du midi, aujourd'hui en direct mercredi. Donc la plateforme de films et de séries télévisées permet désormais de regarder certaines de ses œuvres sans Internet en les téléchargeant sur un smartphone ou une tablette. En avion, dans le métro ou dans une maison de campagne sans Wi-Fi, Netflix a annoncé le lancement d'un mode hors ligne qui permet à ses utilisateurs de regarder, de télécharger des séries télévisées ou des films pour les regarder plus tard. Cette option gratuite est disponible dans la dernière version qui vient de sortir, la version 9.0.0. Elle est réservée à certains titres, certains films, certaines séries du catalogue du géant du streaming culturel. Les premières œuvres disponibles au téléchargement sont entre autres les productions exclusives de Netflix, dont Orange is the New Black, Narcos ou The Crown. Le mode hors ligne est une option classique des applications de streaming, entre autres Deezer, Spotify, Apple Music. Les morceaux sont disponibles uniquement dans l'application, contrairement à du téléchargement classique, afin de lutter contre un éventuel transfert ou leur piratage par d'autres personnes. Option évidemment très pratique. Je me demande par contre si les séries sont retirées plus tard de la plateforme. Est-ce que ça va automatiquement à ta prochaine connexion sur Internet enlever toute la série? Ça pourrait évidemment avoir lieu. On verra bien. Ensuite, Netflix qui réitère son refus de se soumettre au CRTC. Le géant américain a affirmé qu'il effectue déjà d'importants investissements dans la production cinématographique et télévisuelle au Canada. On en parlera tout à l'heure. Et qu'il ne devrait pas être soumis à la loi sur la radiodiffusion. Netflix s'est ainsi exprimé dans le cadre des consultations publiques portant sur le contenu canadien dans un monde numérique lancé le 13 septembre dernier par la ministre du patrimoine canadien, Mélanie Joly. Comme le rapporte Radio-Canada, l'entreprise a déposé un mémoire dans lequel elle maintient son refus de se soumettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. À noter que le document en question n'est toujours pas accessible sur le site de patrimoine canadien au moment d'écrire les lignes de l'article de branchezvous.com. Il y a 2 ans, Netflix avait refusé la demande du CRTC de lui transmettre les données concernant ses abonnés au pays, alléguant qu'il s'agissait d'informations stratégiques sur ses clients. L'entreprise américaine souhaitait alors des garanties de la part de l'agence fédérale que la nature confidentielle de ses données allait être préservée, une garantie que le CRTC n'a pas été en mesure de satisfaire. Du même souffle, Netflix avait affirmé que son service ne pouvait être soumis à la loi sur la radiodiffusion, étant donné que l'entreprise ne correspondait pas à la définition d'un diffuseur conventionnel. Dans son mémoire, Netflix maintient sa position d'agir à l'extérieur de la législation actuelle. L'entreprise soutient avoir investi cette année des centaines de millions de dollars, dans des émissions originales produites au pays. Netflix a également déclaré avoir pris des dizaines d'engagements en 2016 qui permettront la production de films et de téléséries au Canada. Impossible d'aborder le sujet de Netflix sans le souligner à quel point l'offre actuelle est dépourvue de contenu francophone. Si certains producteurs canadiens estiment que Netflix devrait se soumettre à la réglementation du CRTC, d'autres qui ont bénéficié de partenariats avec la plateforme américaine sont sans surprise très heureux de la situation actuelle. Alors que les services comparables à Netflix, tels que Club Illico de Vidéotron ou encore Tout.tv de Radio-Canada, je m'excuse, il faut dire ici Tout.tv maintenant, répondent aux besoins du marché francophone, il est plutôt aberrant de voir l'offre de services actuelle de Netflix, nous dit Branchez-vous. Lors de son lancement en 2010, l'entreprise avait pourtant promis de développer son offre francophone. Maintenant que Netflix est résolument obstiné à ne pas vouloir se soumettre au CRTC, qu'en sera-t-il d'Amazon, dont le service devrait être introduit au Canada le mois prochain, justement? Parlons-en. J'avais la nouvelle ici. Donc Amazon qui est prêt à s'attaquer à Netflix à l'échelle mondiale. Amazon se prépare à porter son combat avec Netflix à l'échelle mondiale avec une expansion massive de son service de vidéos sur demande, de vidéos en ligne, indiquait donc le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. Amazon Prime Video est jusqu'ici accessible seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et au Japon. Le groupe a aussi promis un lancement bientôt en Inde et le patron d'Amazon Studios, Jason Ropel, avait évoqué en mai à Cannes un lancement en France. Le géant américain de la distribution en ligne s'apprêterait toutefois à s'étendre à environ 200 pays et territoires, d'après les sources du Wall Street Journal. Cela le mettrait sur un pied d'égalité avec Netflix, qui revendique une présence dans plus de 190 pays depuis le lancement simultané de son service en janvier sur 130 nouveaux marchés. Interrogé par l'agence France Presse, une porte-parole d'Amazon a seulement confirmé l'arrivée dans plus de 200 pays en décembre de The Grand Tour, une série originale d'Amazon consacrée aux voitures. La diffusion mondiale de The Grand Tour est également mentionnée dans un message sur Twitter par le patron fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et de nature à alimenter les spéculations sur un élargissement de la disponibilité d'Amazon Prime Video. D'autant que le site de l'émission indique qu'elle sera proposée exclusivement sur Amazon, il ne précise pas toutefois les conditions dans lesquelles l'émission sera distribuée, et en particulier si cela aura bien lieu dans le cadre d'un lancement mondial du service de vidéo en continu d'Amazon. Rien n'empêcherait en théorie Amazon de se contenter de proposer l'émission à la vente dans ses boutiques en ligne. Si le passage à l'échelle mondiale d'Amazon Prime Video se confirme, cela représenterait l'attaque de plus grande ampleur lancée jusqu'ici contre Netflix, au moment même où les perspectives de croissance de ce dernier commencent à susciter quelques inquiétudes via la concurrence croissante sur le marché. Amazon Prime Video est considéré comme l'un des principaux produits d'appel pour Amazon Prime, ou en France Amazon Premium. Je sais pas si on va l'appeler comme ça au Canada français. En fait, je me la demande si c'est déjà le cas. J'ai pas le temps d'aller voir. Le service par abonnement d'Amazon permettant de se faire livrer gratuitement des commandes passées sur les boutiques en ligne du groupe et d'accéder à un catalogue toujours plus étendu de contenu numérique comme des films, des séries, des livres et de la musique. Comme Netflix, Amazon a mis les bouchées doubles ces dernières années pour pouvoir proposer des programmes exclusifs sur son service en continu. Il investit notamment beaucoup et avec un certain succès dans les productions originales comme Transparent et Mozart in the Jungle, qui ont été récompensés par les Emmy Awards. Amazon n'a jamais divulgué le nombre exact d'abonnés de Prime, mais d'après la société de recherche CIRP, ils étaient 65 millions fin septembre rien qu'aux États-Unis, soit 38% de plus qu'un an auparavant. On revient sur une nouvelle que j'ai abordée il y a deux semaines. Un tribunal empêche la libération d'un personnage clé de la série Making a Murderer. Une cour d'appel américaine a décidé que Brandon Dassey, l'un des personnages principaux de cette série documentaire à succès, ne pourra finalement pas être remis en liberté en attendant l'aboutissement de sa procédure d'appel, a annoncé la justice locale dans un communiqué. La cour fédérale d'appel du 17e district a accordé la requête déposée par l'État du Wisconsin de sursoir à la décision du juge William Duffin de libérer Brandon Dassey. Comme je dis, on en parlait il y a deux semaines de ça à l'émission, et l'émission a été rediffusée la semaine passée, donc on en a parlé pas mal beaucoup. Le juge Duffin de l'État du Wisconsin avait ordonné la libération du jeune homme de 27 ans avant son procès en appel. Monsieur Schimmel avait immédiatement annoncé son intention de déposer un recours pour l'empêcher. Un panel de trois juges saisis de cette requête en urgence a donné satisfaction au procureur. Brandon Dassey restera donc derrière les barreaux pendant l'examen de son appel. Le jeune homme et son oncle Stephen Avery ont été condamnés à perpétuité en 2007 pour l'homicide d'une photographe de 25 ans, Teresa Halbeck. Diffusé sur Netflix et sorti en décembre 2015. La série documentaire Making a Murderer dissèque l'enquête sur ce meurtre en soulevant nombre d'éléments troublants. La série a lancé un débat national sur les procédures judiciaires aux États-Unis et la culpabilité ou l'innocence des protagonistes. Pour des millions d'Américains, les deux hommes ont été confondus par des investigations implacables. Pour des millions d'autres, ils ont été l'objet d'une machination ourdie par la police ou le procureur, qui avait depuis longtemps la famille Avery dans le collimateur. Brandon Dassey, qui jouit d'un quotient intellectuel limité, a, selon ses défenseurs, été poussé à une confession sur des faits imaginaires lors d'un interrogatoire très controversé. Adolescent à l'époque du meurtre, il a également été très mal défendu par un avocat commis d'office. Après la sortie du documentaire, de nombreux appels à la libération des deux hommes ont été lancés et une pétition a été envoyée sans résultat à la Maison-Blanche avec plus de 130 000 signatures pour demander une grâce présidentielle. Dans une première affaire, Stephen Avery avait passé 18 ans derrière les barreaux pour une violente agression sexuelle qu'il n'avait pas commise. Il avait été innocenté par des preuves d'ADN et libéré en 2003. Méchant dossier cette histoire-là, j'adore suivre cette histoire. Ensuite, un Netflix noir pour les Afro-Américains. Tiens, le réseau afro-américain Bounce TV vient de lancer Brown Sugar Cassonade, un service de streaming avec une vaste bibliothèque de films emblématiques noirs tels que Shaft, Superfly et The Mac. On continue encore une fois la ségrégation, comme on le dit dans certains cercles. Le service de vidéo en ligne est maintenant disponible aux États-Unis pour les téléphones mobiles et les tablettes sur le Google Play Store et sur l'iTunes App Store à un coût de $4 US par mois après une période d'essai gratuite. Le service sans publicité a signé des longs métrages de Hollywood tels que Foxy Brown, Three the Hard Way, Black Caesar, Cleopatra Jones, The Black Godfather, Blackula et Car Wash. Je cite, c'est comme Netflix mais en plus noir. Ces films sont divertissants et amusants, mais ils ont également donné du pouvoir à la communauté noire car ils représentaient les Afro-Américains comme des personnages principaux et des héros pour la première fois, a déclaré Pam Grier, qui est l'étoile de Foxy Brown et une ambassadrice officielle de Cassonade. Taylor Swift aura sa propre plateforme de diffusion en ligne. Oui, oui, oui, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle-là, mais je vous la mentionne au cas où vous ne l'avez pas entendu. La chanteuse américaine a conclu un partenariat avec le géant américain de la télécommunication AT&T consiste à consacrer des contenus exclusifs au sujet de Taylor Swift via la plateforme de diffusion en ligne DirecTV Now. Taylor Swift promet de diffuser des vidéos jamais dévoilées à ses fans jusqu'ici via ce nouveau programme télévisé. Des archives personnelles serviront de base et devraient réjouir les millions de fans de la chanteuse pop country. DirecTV Now doit être lancé officiellement donc le 30 novembre, aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent en direct. L'actrice et productrice Reese Witherspoon sera la prochaine à bénéficier de sa propre chaîne. Là encore, les contenus au sujet de l'artiste seront exclusifs. Dans le cadre de son partenariat avec le géant AT&T, Taylor Swift se produira également à Houston à la veille du très attendu Super Bowl le 4 février prochain. Je vais sauter quelques articles ici. On nous dit dans un article sur InfoPresse que plus de 80% des spectateurs utilisent un deuxième écran. Un sondage d'Ericsson révèle qu'à l'échelle mondiale, 64% des spectateurs de télé ou de vidéos sur demande visionnent du contenu au moins une fois par semaine en même temps qu'ils naviguent sur un deuxième écran. Ce chiffre grimpe à 83% avec ceux qui indiquent le faire au moins à l'occasion. Les smartphones et les PC sont-ils en passe de détrôner la télé? Les nouveaux usages numériques, notamment tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec nos téléphones portables, ce qui était impensable il y a 10 ans, ont changé notre usage des écrans. En 2017, selon la dernière étude du cabinet eMarketer, le changement aura été tel que les Français passeront plus de temps devant leur PC, leur tablette et leur smartphone que devant leur télé. L'article au complet est sur assemblagerequis.com. Justement, le groupe des téléspectateurs sans contrainte y consacre à la télé en ligne près de 7 heures par semaine. Près du quart des Canadiens songent à se désabonner du service traditionnel de télévision. Lors de la conférence dont on parlait tantôt, consommation des contenus audiovisuels entre mythes et réalité, organisée par l'Académie canadienne du cinéma et de la télé. Je m'excuse, on n'a pas parlé tantôt, c'est une autre conférence. Deux expertes de l'Observatoire des technologies médias ont fait le point avec des chiffres et des faits sur l'état de la consommation de contenu par le public d'ici. Encore une fois, l'article est sur le site. Le pouvoir de la télé a été souligné par de grandes alliances des médias à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. Radio-Canada qui diffusait une vidéo de 30 secondes qui rappelle l'influence exercée par la télévision sur la société le 21 novembre dernier. CBC et Radio-Canada Solutions Médias s'associent à la Journée mondiale de la télévision le 21 novembre dernier, qui célébrait donc cette année son 20e anniversaire. Et dans le cadre de cette initiative annuelle des Nations Unies, l'Union européenne de radio-télévision, l'Association des télévisions commerciales européennes, l'Association des régies publicitaires pour les télévisions et les radios basées à Bruxelles, soulignaient la portée et l'impact de l'industrie de la télévision. Et pour terminer, Samsung dépose un brevet pour une télé holographique. Le géant sud-coréen travaille sur une technologie qui pourrait nous réconcilier avec la télévision en 3D. En début d'année, Samsung confirmait la mort des téléviseurs 3D en annonçant l'absence de cette technologie au sein de la gamme 2016. Si les fabricants n'ont jamais réussi à l'imposer à leurs clients, ils n'abandonnent pas l'idée de changer notre façon de regarder des films, des émissions ou des événements sportifs. Le site Patently Mobile a repéré un nouveau brevet déposé par Samsung. L'entreprise veut mettre au point un écran capable de projeter des images holographiques dans notre salon. Un tel produit permettrait de profiter de contenus en trois dimensions sans avoir à porter de lunettes. Pour fonctionner, le téléviseur serait constitué de trois parties, une source lumineuse, un modulateur qui projetterait l'image par diffraction et une unité de suivi du mouvement oculaire. C'est grâce à ce dernier appareil équipé d'une caméra que l'image pourrait se reformer en s'adaptant à notre regard et à notre position dans la pièce. Pour Samsung, cette technologie est bien plus encourageante que la 3D lancée il y a quelques années, dans la mesure où elle n'entraîne pas de fatigue oculaire. Elle sera donc plus susceptible d'être massivement adoptée. Pour le moment, le projet n'est qu'au stade de brevet. Il est donc impossible de connaître le degré de développement de cette technologie ainsi que le budget alloué aux équipes de recherche et de développement. Les projections holographiques telles que peut en produire R2-D2 dans Star Wars ne seront donc pas au programme des fêtes de Noël cette année, ni l'an prochain. On va bien sûr suivre le dossier. Voilà, on a passé de Television, deux gros blocs gigantesques. Maintenant, on va revenir à notre rythme habituel. Pour Television. On continue avec Merci Science dans quelques instants, mais avant ça, voici Venom et Dreamin' MPS, le Mathieu Plante Show sur site. C'était Barry Leak avec Interrupt Tune. Précédé de Dreaming par Venom, la vie de l'émission. SoundCloud.com par Vic Trevor, Trait d'Union Holsinger pour plus de musique de Venom. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons par le syndrome des cheveux incoiffables, une maladie génétique rare. Wow, tous les symptômes s'améliorent à la sortie de l'enfance. Dont les symptômes s'améliorent, oui, à la sortie de l'enfance. D'après une recherche internationale, elle trouve son origine dans des mutations touchant trois gènes importants pour la formation du cheveu. Lorsque les enfants sont tout ébouriffés, des fois ce n'est pas que de la mauvaise volonté de leur part. Il existe en effet une maladie rare, le syndrome des cheveux incoiffables, décrite en 73 par un médecin toulousain. Cette maladie démarre dans l'enfance, entre 3 mois et 12 ans, et ses symptômes s'améliorent avec le temps. Dans le syndrome des cheveux incoiffables, les cheveux qui évoluent vers une couleur blond argenté ou paille sont d'un volume normal, mais ils apparaissent secs, hirsutes et en désordre. Ils poussent dans toutes les directions et ne peuvent pas être coiffés ou aplatis avec un peigne. En attendant que les cheveux prennent une apparence plus commune, les conseillers d'utiliser des shampoings doux, des après-shampoings, ce qu'on appelle en France, mais des fois les revitalisants. Au microscope, les cheveux touchés par ce syndrome possèdent une gouttière sur toute leur longueur, donnant ainsi une section triangulaire ou réniforme dont les termes latins utilisés pour nommer la maladie sont pilitrionguli et canaliculi. Des chercheurs de 7 pays ont recherché l'origine génétique de ce syndrome chez 11 enfants. Parmi ces chercheurs se trouvait une équipe française de l'unité différenciation épidermique et auto-immunité rhumatoïde à l'INSERM CNRS Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Ces travaux paraissent dans la revue The American Journal of Human Genetics. Les chercheurs ont trouvé que le syndrome des cheveux incoiffables était dû à des mutations situées dans trois gènes qui participent à la formation du cheveu. Le TCHH qui code pour la trichoyaline, une protéine du cheveu. Le PALI3 pour l'enzyme peptidylarginine déciminase 3 et TGM3 pour l'enzyme transglutiminase 3 ou le TGAS3. Les 11 enfants avaient tous des mutations homozygotes ou hétérozygotes sur l'un de ces trois gènes. Les deux enzymes permettent des modifications protéiques avec la protéine TCHH et participent à la formation du cheveu. Les chercheurs ont aussi montré que chez la souris, l'inactivation de PALI3 a un impact sur les poils et les moustaches. Au microscope, ils ont confirmé une altération des poils de ces souris. Ils avaient déjà été montré chez les souris qui n'avaient pas l'enzyme TGAS3 que le pelage était altéré. Wow! Dans le communiqué de l'INSERM, le syndrome des cheveux incoiffables était probablement connu bien avant 1973. Il semble affecter le personnage de Strumpelpeter, qu'on appelle Pierre l'Ébouriffé, créé en 1845 par Heinrich Hoffmann. Ce héros de la littérature enfantine refuse de se coiffer et de se faire couper les cheveux et les ongles. Il aurait aussi inspiré le personnage d'Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. On reste dans l'apparence. Êtes-vous super physionomiste? Il y a un moyen de le savoir. Les personnes qui ont des capacités exceptionnelles à reconnaître les visages intéressent particulièrement certains corps de métier comme la police. Des tests permettent de savoir si vous faites partie de ces rares super physionomistes. Certaines personnes souffrent donc de prosopagnosie, un trouble qui empêche la reconnaissance des visages, même familiers. À l'inverse, 2% de la population serait super physionomiste, c'est-à-dire capable de se souvenir de personnes vues brièvement ou plusieurs décennies auparavant. Le fait d'être super physionomiste n'est pas lié à une intelligence supérieure, à des capacités visuelles ou à une mémoire exceptionnelle. Ces traits pourraient être en partie génétiques, de même que la prosopagnosie est souvent familiale. La capacité à reconnaître des visages est aussi liée à la personnalité de l'individu. Les personnes qui ont de hauts niveaux d'empathie reconnaissent mieux de nouveaux visages, probablement parce qu'elles leur prêtent plus d'attention. Une nouvelle étude parue dans Frontiers in Psychology suggère que la proportion de super physionomistes dans la population est proche de celle de la prosopagnosie, une personne sur 50 environ. Dans cet article, des chercheurs de l'Université de Bournemouth au Royaume-Uni ont étudié 256 jeunes adultes britanniques pour trouver parmi eux des super physionomistes. Sarah Bates, qui a participé à ces travaux, a expliqué dans The Conversation que les chercheurs ont observé les mouvements des yeux de ces super physionomistes. Ils se sont aperçus que les super physionomistes passaient plus de temps sur le nez que les autres participants, qui regardaient beaucoup plus les yeux. Les super physionomistes utiliseraient donc une vision plus centrée autour du nez. Pour savoir si vous êtes un super physionomiste, vous pouvez passer des tests qui consistent à mémoriser les visages puis à les retrouver. L'un de ces tests est le Cambridge Face Memory Test, dont une version est disponible en ligne en anglais. Certaines forces de police s'intéressent particulièrement aux super physionomistes, car ceux-ci pourraient être utiles pour visionner des caméras de surveillance ou pour vérifier des passeports dans les aéroports. Oh, les misogynes ont plus souvent des problèmes de santé mentale. D'accord, les machos ne sont pas si ne sont pas que nuisibles aux femmes. Ils se font aussi du mal à eux-mêmes. Une recherche montre que les hommes les plus sexistes ont une moins bonne santé mentale et sont moins enclins à rechercher de l'aide pour leurs problèmes psychologiques. Les inégalités entre les sexes perdurent au travail comme à la maison et de nombreuses femmes souffrent de harcèlement et de comportements sexistes au quotidien. Et si les hommes qui affichent leur machisme étaient en fait psychologiquement fragiles? C'est ce que suggère une recherche de l'Université Bloomington en Indiana publiée par l'American Psychological Association. Dans cette étude, les auteurs ont mené une méta-analyse avec 78 recherches impliquant au total 19 453 participants. Pour savoir si les hommes étudiés se conformaient à des normes masculines, les chercheurs ont utilisé une échelle, appelée Conformity to Masculine Norms Inventory 94 et ses variantes. Parmi les normes censées décrire un comportement typiquement masculin se trouvaient le désir de gagner, le besoin de contrôler ses émotions, la prise de risque, la violence, la domination, la promiscuité sexuelle, l'autonomie, l'importance donnée au travail, le pouvoir sur les femmes, le mépris pour l'homosexualité, la poursuite d'un statut. Tous les clichés sont là. Pour évaluer la santé mentale, les chercheurs se sont concentrés sur trois dimensions. Une santé mentale négative, par exemple la dépression. Une santé mentale positive, par exemple avec de la satisfaction de soi. Et la recherche d'une aide psychologique, par exemple la recherche de conseils. D'après les résultats, les hommes qui se voient comme des playboys ou comme ayant du pouvoir sur les femmes auraient une moins bonne santé mentale. Le fait de se conformer à des règles masculines était corrélé à un mauvais fonctionnement social. Les hommes qui adhéraient aux normes masculines cherchaient également moins à se faire soigner pour leurs problèmes. En revanche, le fait de donner la primauté à son travail n'était associé à aucun facteur de santé mentale. On dit qu'en général, les individus qui se conforment fortement aux normes masculines ont tendance à avoir une mauvaise santé mentale et des attitudes moins favorables à la recherche d'aide psychologique. D'après Joel Wong, le principal auteur de l'article, le sexisme qui se manifeste par un comportement de playboy et le pouvoir sur les femmes ne serait pas qu'un comportement injuste vis-à-vis de la gente féminine. Ce sexisme aurait aussi un effet néfaste sur les hommes eux-mêmes. Le cerveau adopte de nouvelles stratégies en vieillissant. Les connexions fonctionnelles entre les régions du cerveau évoluent au cours de la vie. Pour accomplir des tâches liées à la mémoire, un cerveau âgé utilise davantage de petits groupes de connexions cérébrales. Le cerveau des personnes âgées procède-t-il donc de la même façon qu'un cerveau jeune lorsqu'il fait travailler sa mémoire? Pour le savoir, les chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara et de Princeton se sont intéressés à la dynamique des connexions du cerveau au cours de la vie. Ils ont utilisé l'IRM fonctionnel, une technique qui met en évidence les interactions ou connexions fonctionnelles entre les régions du cerveau. Ces travaux sont présentés dans PLOS Computational Biology. Les chercheurs ont enregistré donc l'activité du cerveau de personnes en bonne santé pendant qu'elles accomplissaient des tâches mobilisant leur mémoire ou nécessitant de l'attention. Pour chacune, l'IRM fonctionnel a permis de reconstruire un réseau des régions cérébrales et de leurs connexions fonctionnelles. Le nombre de groupes de connexions a varié d'un individu à l'autre, mais pour les tâches mobilisant la mémoire, les variations entre les personnes étaient liées à l'âge. Les participants les plus jeunes avaient peu de groupes de connexions synchrones, mais de grande taille. Ces connexions reliaient la majeure partie du cerveau dans une activité coordonnée. Chez les participants âgés, les groupes de connexions devenaient plus petits mais plus nombreux. Il y avait une perte de cohésion dans l'activité cérébrale, même en l'absence de problèmes de mémoire. Pour compenser la perte de synchronisation du cerveau, les personnes âgées utiliseraient donc de nouvelles stratégies pour faire appel à leur mémoire de manière efficace. Les connexions fonctionnelles entre régions du cerveau représentent donc un réseau qui évolue au cours de la vie tout en restant efficace. Votre année de naissance pourrait vous protéger contre la grippe. Votre première grippe influence votre immunité pour la vie. C'est ce que suggèrent des chercheurs américains. Ils ont observé que les personnes nées avant 1968 semblent protégées contre certains virus de la grippe aviaire et celles nées après 1968 contre d'autres. Il existe une grande diversité du virus de la grippe, donc l'influenza. Chaque année, les souches évoluent. Système immunitaire et virus se livrent à une course sans fin pour s'adapter à ces évolutions. L'une des conséquences majeures de l'évolution des virus grippaux est que le vaccin de la grippe saisonnière doit être réactualisé chaque année. Les efforts sont tout de même faits pour mettre au point un vaccin qui confère une protection croisée contre différentes souches. Le virus de la grippe possède des antigènes de surface comme l'hémagglutinine, une protéine présente sur le virus d'influenza de type A. HA existe sous différentes versions, HA étant l'hémagglutinine. Il y a le type 1 pour les virus des sous-types H5, H1 et H2, et le type 2 pour les virus de sous-type H3 et H7. Les virus de grippe aviaire de type A, comme le H5N1 et le H7N9, infectent des animaux, mais aussi des humains, d'où les craintes récurrentes de pandémie. Récemment, des virus de grippe aviaire hautement pathogènes pour les oiseaux de type H5N8 ont été signalés dans des pays voisins de la France. D'après l'OMS, il n'y a pas de risque de contamination du H5N8 à l'homme. Dans un article paru dans Science, des chercheurs montrent que la sévérité d'une infection avec un virus de grippe aviaire dépend de la première rencontre avec le virus dans l'enfance. En effet, lorsqu'on s'intéresse aux infections humaines avec des virus de grippe aviaire comme H5N1 et H7N9 dans le monde depuis 1997, on observe une différence en fonction de la tranche d'âge. Les cas de H5N1 touchent surtout des enfants et des jeunes adultes, tandis que les cas de H7N9 concernent plutôt des adultes âgés. Les virus H5N1 et H7N9 présentent deux types différents d'hémagglutinine, le type 1 pour le H5N1 et le type 2 pour le H7N9. En 1968, il y a eu changement touchant l'antigène HA de la grippe du groupe 1 vers le groupe 2, ce qui a modifié les virus grippaux que les gens allaient désormais rencontrer, ce qui expliquerait pourquoi l'immunité diffère en fonction de l'année de naissance. Allez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. La transfusion de sang jeune comme cure de jouvence. Maintenant, ça évoque un peu les films d'horreur ou l'histoire de vampires. Pourtant, ces recherches sont bien réelles. Une communication scientifique présentée à un congrès décrit les résultats d'une expérience où du plasma humain jeune a été injecté à des souris âgées. Résultat, le sang d'adolescent fait rajeunir. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. Il transporte des milliers de protéines, mais au cours du vieillissement, il contient souvent de plus en plus de protéines inflammatoires, d'où l'idée que le sang jeune offre une cure de jouvence à des sujets âgés. Pour tester cette hypothèse, des scientifiques de la société Alcahest ont injecté du sang d'adolescents de 18 ans à des souris âgées de 12 mois, ce qui correspond à environ 50 années humaines. Leur protocole est décrit dans le New Scientist. Pendant 3 semaines, les souris ont reçu 2 injections par jour, puis leur comportement a été comparé à celui de sujets jeunes, donc de 3 mois, ou âgés. Malgré la barrière de l'espèce entre l'homme et les souris, celles-ci semblaient avoir rajeuni. Les chercheurs les ont placées dans un labyrinthe pour tester leur mémoire. Les souris âgées avaient plus de mal à se déplacer dans le labyrinthe que celles traitées avec le plasma humain, qui faisaient les mêmes performances que des souris jeunes. Leur mémoire s'était améliorée. Les chercheurs ont aussi regardé des coupes de cerveau. Les animaux traités avaient plus de nouveaux neurones. Le plasma de jeunes humains semblait donc favoriser la neurogénèse, un processus important pour la mémoire et pour les apprentissages. L'étude a été présentée lors du congrès de la Society for Neuroscience à San Diego, mais n'a pas été publiée dans une revue à comité de lecture. Alcaez a démarré un essai clinique à l'Université Stanford avec 18 personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer pour savoir si le plasma jeune peut avoir le même effet chez l'homme. Une autre start-up américaine, Ambrosia, recrute des volontaires pour un essai clinique sur des personnes de plus de 35 ans qui recevront des injections de plasma jeune. Parce qu'à 35 ans, plus considéré jeune, c'est ça? Cet essai a suscité des critiques car 8 000 $ sont demandés aux participants pour couvrir les frais. Les études dans ce domaine intéressent aussi le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, qui finance une recherche sur des traitements anti-âge basés sur le sang. Vous pouvez lire un article qui s'appelle « Rajeunir le corps et l'esprit » qui date de 2014 sur assemblagerequis.com. Je vais sauter quelques articles, entre autres celui qui vous dit que les recherches sur Bing sont utilisées pour dépister le cancer. Il y a aussi la peinture thermoélectrique quand nos murs produisent de l'énergie et les métamatériaux des forêts pour lutter contre les séismes. Je saute ça par manque de temps. C'est sur assemblagerequis.com. On s'en entend d'une pièce de chiptune avant de presque clore l'émission. Voici Dr. Zilog avec Laser Death MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou, 89.fm. We'll be right back. Doctor's Dialogue et Laser Death sur son album Obstreperous. Crive dans Ableton Live avec Chip Sounds, Drum Fork et Bias FX. Pour ceux qui veulent faire du chiptune eux-mêmes, ce sont les noms à chercher. Tous les liens sont sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le segment Geek Scenix. Cédric, c'est la chronique où on parle d'informatique, de technologie et de jeux vidéo. Comme toujours, quand on rate une émission, faut faire deux semaines de contenu en une seule. Donc, je prépare deux fois trop de contenu. Donc, j'ai le temps pour faire la moitié du contenu que j'ai préparé. Donc, ça revient à dire que j'ai fait une émission normale, mais en parlant plus vite. T'sais? Donc, commençons par ce que j'ai mentionné en intro. Les salissures sur votre téléphone cellulaire pourraient être les indices pour la police. Ce que vous avez mangé, les médicaments que vous avez pris ou les produits de beauté que vous avez utilisés sont autant d'informations qu'on peut récolter sur vous grâce, bien sûr, à une méthode scientifique permettant d'établir des profils, notamment dans le cadre d'enquêtes criminelles. Ces chercheurs ont pu donc reconstituer le mode de vie des 39 participants en échantillonnant les molécules sur leur téléphone. On peut imaginer un scénario dans lequel des enquêteurs arrivent sur les lieux d'un crime et trouvent des objets personnels comme un téléphone, un stylo, une clé sans empreinte digitale ou ADN, se trouvant dans une banque de données de la police, les laissant sans aucune piste. En analysant les molécules laissées sur leur téléphone, on a pu ainsi dire qu'il s'agissait d'une femme, peut-être qu'ils utilisent des produits cosmétiques chers, teint ses cheveux, boit du café, préfère la bière au vin, aime les aliments épicés, est soigné pour une dépression, porte des lunettes de soleil et recourt aux insecticides et passe probablement de ce fait beaucoup de temps à l'extérieur. Les chercheurs ont fait des prélèvements sur 4 endroits des téléphones et 8 points sur la main droite des participants, prélevant au total près de 500 échantillons. Ils ont ensuite utilisé une technique dite de spectrométrie de masse pour détecter les molécules à partir de ces échantillons. Ils ont identifié autant de molécules que possible en les comparant à une vaste banque de données de référence. Cette approche n'est pas encore suffisamment précise pour identifier une personne sans l'ombre d'un doute, comme le permettent les empreintes digitales. Mais pour affiner la technique, il faut davantage de molécules de référence et dans la banque de données comme celles se trouvant dans les aliments les plus communément consommés, les textiles, les vêtements, des tapis, des murs peints et tout ce qui est en contact avec les gens. Outre l'établissement de profils dans des enquêtes criminelles, cette technique pourrait être utilisée, entre autres, pour le contrôle de sécurité dans les aéroports et des études de pollution de l'environnement, selon les auteurs. On reste dans l'espionnage. Un casque audio peut servir à espionner vos discussions. Des chercheurs en sécurité ont créé un malware capable de transformer les écouteurs en microphones sur presque n'importe quel ordinateur. La prochaine fois que vous aurez donc une discussion confidentielle par ordinateur, assurez-vous qu'il n'y ait pas un casque branché sur votre PC. On voit déjà assez de gens avec du ruban collant sur leur webcam. Ça va être pire encore. Ces périphériques peuvent agir comme un microphone et par conséquent enregistrer tout ce que vous dites. C'est en effet ce que viennent de montrer 4 chercheurs israéliens de l'université Ben Gurion. Ils ont créé un speaker, mais avec un A entre le E et le A et le R, donc pour faire speak here. Un malware capable de transformer une banale paire d'écouteurs connectés sur un PC en microphone. Ils en ont fait la démonstration dans une petite vidéo sur YouTube. Comment est-ce possible? Eh bien, sur principe, c'est pas très étonnant parce que le microphone est une membrane qui transforme le son en courant électrique. Et pour les écouteurs, c'est exactement l'inverse. En inversant la chaîne de traitement de signal, il est donc possible de transformer les écouteurs en microphone. Ce qui est remarquable, en revanche, c'est que les chercheurs ont trouvé un moyen purement logiciel d'y arriver. La faille, en l'occurrence, se trouve dans les puces d'encodage Realtek qui sont fréquemment utilisées pour les ordinateurs. Ces processeurs gèrent l'encodage des flux audio et pilotent les prises d'écouteurs. En théorie, chaque prise jack a un rôle qui lui est propre. Généralement, nos ordinateurs disposent d'une ou plusieurs prises et d'une pour le microphone, plusieurs pour les écouteurs et une pour les microphones. Mais en réalité, au niveau du circuit électronique, chaque prise a la capacité soit d'enregistrer, soit d'émettre du son. C'est la puce Realtek qui affecte les prises à l'une ou à l'autre des tâches. Il est possible de changer cette affection, c'est pour ça que sur les Mac, il y a souvent une prise qui fait les deux. Sur Windows, il suffit de changer quelques clés dans le registre pour le faire. Le son enregistré avec des écouteurs n'est pas aussi bon qu'avec un microphone, mais selon les chercheurs, c'est suffisant pour écouter une conversation à distance de quelques mètres. Les chercheurs ont également imaginé un autre scénario, utiliser ces écouteurs transformés en microphone comme un canal de transmission caché pour exfiltrer des informations sensibles. Supposons en effet qu'un groupe de pirates ait réussi à infecter un ordinateur ultra sécurisé qui n'est pas connecté au réseau, ce qu'on appelle un « air gap ». Comment faire sortir les données secrètes que contient cette machine? Si celle-ci dispose d'un haut-parleur, le malware pourrait faire en sorte d'encoder ces données dans des ondes sonores à des fréquences inaudibles pour l'homme, donc au-dessus de 10 000 Hz. Ces sons pourraient ensuite être captés par le casque audio d'un PC situé à proximité qui serait connecté au réseau. Voilà. Alors, les chercheurs ont calculé que dans un tel scénario, les écouteurs permettraient de recevoir un flux de données d'environ 1 km par seconde. C'est pas beaucoup, mais suffisant pour faire passer une clé de chiffrement, par exemple. Ça fait peur. Toujours dans le domaine de faire peur, l'intelligence artificielle de Google DeepMind lit sur les lèvres mieux qu'un humain. Un nouvel exploit de DeepMind, dont l'intelligence artificielle co-développée avec l'Université d'Oxford, surpasse de très loin l'homme quand il s'agit de lire sur les lèvres. Une technologie qui pourrait aider les personnes malentendantes ou bien permettre de contrôler un assistant virtuel comme Siri ou Cortana. Mais la question d'un usage à des fins de surveillance ou d'espionnage est sur toutes les lèvres. Une équipe composée de chercheurs de l'Université d'Oxford et DeepMind, la filiale de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle, a mis au point une application de lecture sur les lèvres présentée comme beaucoup plus performante que les humains. Ils ont entraîné leur réseau neuronal à partir de 5000 heures d'émissions de télévision de la BBC comme Newsnight, Question Time et The World Today. L'échantillon contenait 118 000 phrases et 17 500 mots uniques. Résultat, l'intelligence artificielle est parvenue à un taux de réussite de 46,8%. Ça peut paraître faible, mais il faut savoir que des professionnels à qui on a demandé d'annoter les mêmes séquences vidéo en lisant sur les lèvres des personnages à l'écran n'ont atteint que 12,4% de réussite. Il y a une quinzaine de jours, une autre équipe de l'Université d'Oxford avait fait l'actualité en présentant un autre programme de lecture sur les lèvres nommé LipNet, qui affichait 93,4% de réussite contre 52,3% pour les humains. Mais il y a une grande différence par rapport aux travaux menés par DeepMind. En effet, LipNet a été testé sur un échantillon spécialement créé pour l'occasion, totalisant seulement 51 mots uniques. Dans l'article scientifique consacré à cette innovation publié sur Arxiv, l'équipe de l'Université Oxford, DeepMind, explique que l'une des principales difficultés de la lecture sur les lèvres tient aux homophones, des mots ayant un sens différent mais une même prononciation. Bien sûr, le mouvement des lèvres pour prononcer ces trois mots comme mère, mère et mère est identique, d'où la difficulté de saisir le sens exact. Pour les spécialistes à l'origine de cette avancée, une intelligence artificielle capable de lire sur les lèvres aurait de nombreuses applications potentielles, comme dicter un message ou commander l'assistant virtuel d'un smartphone. Mais évidemment, on ne peut s'empêcher d'imaginer qu'une telle technologie pourrait aussi servir à surveiller ou à espionner. Voilà. C'est tout pour le bloc CNX. Beaucoup de nouvelles, on fera le reste la semaine prochaine. Wow, l'émission a passé tellement vite à dire beaucoup trop de nouvelles. Je sais, je m'excuse pour ceux qui sont pas capables d'écouter quelque chose qui se dit aussi vite. Donc merci d'avoir été à l'écoute quand même. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis à 15h, en rappel les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de Samuel Girard et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est de Mathieu Plante, vous avez été planté, on se quitte avec une pièce de Digit X Ninja Soul. Automatique suit le mercredi. À la semaine prochaine. Bye!